la cité, le béton devient plus sombre. Sur le quai, les gens attendent un tramway qui ne vient pas. Les regards cherchent à fixer autre chose que des ombres. Dans le froid, les nerfs se tendent et le temps fait les 100 pas. Dans le bruit de la cité, je regarde la pluie tomber. Sous les eaux, quelque chose vibre. Je travaille mon équilibre. Une brune aux yeux très verts embrasse un homme engourdi, attirant contre son corps la chaleur de son amour, voulant se convaincre encore qu'elle pourra aimer toujours. Un grand noir dans son impair fume d'un air étourdi. Je pourrais marcher encore, avancer de tout mon corps. Malgré tout, je me sens libre. Je travaille mon équilibre. Une fille me regarde, puis évite mon regard. Remonte une mèche blonde sur le haut de sa coiffure. Attend-elle que je lui parle? Mais déjà, il est trop tard. Elle a ressenti mes ondes et je lui ai montré un mur. La pression se fait plus forte, un appel devant m'emporte. Mais je sens toujours mes fibres, je travaille mon équilibre. Un nouveau temps semble naître, les guerriers se cherchent un maître. Il faut trouver son calibre, je travaille mon équilibre. Un nouveau temps semble naître, les guerriers se cherchent un maître. Il faut trouver son calibre, je travaille mon équilibre.